Cette très grand chasseur, il a 40 frères, une sœur. De toute la tribu, il est plus que connu. Brillant, forte parole, presque un génie, une bolle. Personnalité surmédiatisée, extrêmement télévisé. C'est Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Bolonga. C'est Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Bolonga. Dans la jungle profonde, on pressent comme une onde. Mais les animaux les plus prétentieux tremblent de peur comme des petits vieux. C'est que les tam-tams, comme les journaux, ont confirmé la rumeur plus tôt. Après un long voyage en Équateur, c'est le retour du grand chasseur. C'est Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Bolonga. Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Bolonga. Il est partout comme la récession. Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy,